بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوة Bienvenue aux chers frères, on commence aujourd'hui un nouveau chapitre. قال المؤلف رحمه الله باب الذكر عقب الصلاة. Un nouveau sous-chapitre, pas chapitre. Le sous-chapitre concernant le rappel, al-dhikr, donc ce qui est voulu ici par al-dhikr, ce sont des invocations, après la salat. L'auteur qui nous dit, An Abdillah ibn Abbas radiallahu anhuma, Anna raf' al-sawti bil-dhikri, hina yansarifu al-nasu min al-maktubati, kane ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. كنت أعلم إذا انصرف بذلك إذا سمعته. قال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرف إذا سمعته. وفي لفظ ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. Et donc selon Abdullah ibn Abbas رضي الله عنهما que le fait d'élever la voix pour al-dhikr, donc l'invocation, lorsque les gens finissent la prière obligatoire, se faisait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je savais qu'ils avaient fini la prière par cela, lorsque je l'entendais. Ibn Abbas a dit, radiallahu anhuma, je connaissais ou je savais qu'ils avaient fini la prière lorsque j'entendais cela. Donc le fait que les gens élevaient la voix lorsqu'ils faisaient al-dhikr après la salat. Et dans une narration, Nous ne pouvons savoir ou nous ne savions que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fini sa prière que de cette façon-là, lorsqu'on entendait les gens élever la voix en faisant le dhikr. هذا الحديث يدل على استحباب رفع الصوت بعد الصلاة وهو قول الظاهرية وقد نسب فعله إلى الإمام أحمد مع أن المذهب عند الحنابلة وبل هو عند الجمهور أن الأفضل الإسرار بالذكر بعد الصلاة. Et donc ce hadith, il nous montre qu'il est recommandé d'élever la voix lorsque nous faisons le dhikr après la salat. Et cet avis est l'avis de Al-Zahiriya. Et cette parole, du moins cet acte, le fait d'élever la voix après la salat, cet acte a été attribué à l'imam Ahmed. Alors que l'avis du madhhab, le madhhab hanbalite, au contraire, plus que cela encore, la majorité des savants, ils voient que ce qui est meilleur, ce qui est mieux à faire, est de baisser la voix, de faire le dhikr. Chaque personne fait le dhikr en lui-même. Il ne se fait pas entendre. Et donc les savants qui voient qu'on ne doit pas faire le zikr à voix haute, ceux qui voient qu'on ne fait pas les invocations à voix haute, ils se sont appuyés sur des textes généraux, comme la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'a, et fais le rappel de ton Seigneur en toi-même, fi nafsika, fais le rappel de ton Seigneur en toi-même, tadarru'an wa khifa, et cela en toute humilité et crainte. La parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, ud'u rabbaka tadarru'an wa khufya, et invoque ton Seigneur en toute humilité et crainte. Les savants, ils ont dit, faqalu innal asl fi dhikr al-israr. Et donc ils ont dit, la base lorsqu'on fait du dhikr, lorsqu'on fait des invocations, c'est que on le fasse en nous-mêmes, pas besoin de le faire à voix haute. C'est ça la base. Idhan, ma huwa ar-rajih fi hadhihi al-mas'ala. Et donc, quelle est la vie le plus juste dans ce sujet? Est-ce que nous devons élever la voix lorsqu'on fait al-dhikr après la salat ou pas? Li yu'lam annahu ja'a fi ash-shari'a raf'u as-sawti fi ba'd al-ibadat aw ba'd al-mawadi'. Et donc, il faut savoir que il est cité donc dans la législation le fait que nous devons élever la voix dans certains actes d'adoration ou à certains moments. Comme pour l'adhan, fal mu'adhdhin yarfa'u sawtahu walaw kana wahda. Le muadhin, il va élever la voix, même s'il est seul. Même s'il est seul, il est recommandé que le muadhin élève la voix. وَكَذَلِكَ فِي التَّلْبِيَ لِلْحَاجِ Celui qui va faire le hajj, la talbiya, il la fait à voix haute. وَكَذَلِكَ الْمُسْلِمُونَ يَرْفَعُونَ أَصْوَاتَهُمْ بَعْدَ الصَّلَاةِ أَيَّامِ الْعِيدِ Et aussi les musulmans, ils élèvent la voix après la prière, les jours du Eid. Et donc il y a des moments donc dans l'année ou pour certains actes d'adoration où il est recommandé d'élever la voix. فَجَاءَ فِي الشَّرْعِ بَعْضُ الْعِبَادَاتِ فِي بَعْضِ الْعِبَادَاتِ مَا يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الصَّوْتِ Et donc, comme je l'ai cité, il y a dans la législation ce qui montre que pour certains actes d'adoration, il est recommandé d'élever la voix. وَكَذَلِكَ مِنْ أَدِلَّةِ الْجُمْهُورِ عَلَى أَفْضَلِيَّةِ الْإِسْرَارِ مَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا وارتفعت أصواتنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنه معكم إنه سميع قريب تبارك اسمه وتعالى جده Et parmi les preuves de l'Jumhur, la majorité des savants, qui montrent que ce qui est mieux, c'est de baisser la voix et de ne pas faire le dhikr à voix haute après la salat, il y a le hadith de Abu Musa al-Ash'ari, qui est cité donc dans Sahih al-Bukhari, qui dit que à chaque fois qu'on montait une vallée, alors on faisait donc « et-tahlil ». On faisait « et-tahlil » et aussi donc « et-takbir ». On faisait donc « et-tahlil » et aussi « et-takbir », le fait de dire « Allahu Akbar »« La ilaha illallah » Et on le faisait à voix haute. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a appelés et nous a dit donc de faire attention à nous-mêmes car certes, vous n'invoquez pas un sourd ni un absent. Il est certes avec vous et il entend toutes choses, il est proche. Tabarak asmuhu wa ta'ala jaddu. Idan. Faqad sami'tum annahu ja'a fi shar' ma yadullu ala hadha wa ma yadullu ala dhak. Et donc vous avez entendu que il y a les textes de la législation qui nous montrent donc qu'on peut élever la voix après donc pour un acte d'adoration spécifique. Comme pour le Hajj, le Adhan, etc. Et d'autres textes qui montrent que non. Quelle est la vie le plus juste ? Comment faire ici, lorsqu'on voit les textes comme cela ? فَيَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمْ أَيُّهَا الْإِخْوَةِ أَنَّ السُنَّةَ هِيَ الْقَاضِيَةِ فِي هَذِي الْمَسَائِلِ Il est important de savoir, oh mes frères, que c'est la Sunna qui nous montre qu'est-ce qu'il faut faire? فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا متى يسن ومتى يستحب لنا رفع الصوت. Le prophète صلى الله عليه وسلم, il nous montre quand est-ce qu'il fait partie de la sunna, quand est-ce qu'il est recommandé d'élever la voix. فإن صح الحديث عمل به. Si le hadith est donc authentique, on œuvre avec. وأنتم تلاحظون أن هذا الحديث مخرج في الصحيحين. Et vous remarquez que ce hadith, c'est un hadith qui est dans Sahihayn, le hadith d'Ibn Abbas, radiallahu anhuma. Idan, yanbaghi al-amalu bihi. Et donc, nous devons œuvrer avec ce hadith. Nous devons œuvrer avec ce hadith, car c'est un hadith qui est authentique. La shakka fi sihhatihi. Il n'y a aucun doute sur le fait que ce hadith soit authentique. Dhahab al-imam al-Shafi'i, rahimahullah, ila anna al-murad min hadith Ibn Abbas fi Sahihayn. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته في فترة من الزمان فترة يسيرة ليعلم الصحابة الذكر ثم تركه. Et donc l'imam al-Shafi'i rahimahullah, il voit que ce qui est voulu par le hadith d'Ibn Abbas dans Sahihayn, le hadith qu'on étudie aujourd'hui, Il voit l'imam al-Shafi'i, ce qui est voulu par là, c'est que, en fait, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a élevé la voix en faisant le dhikr. Il a élevé la voix pendant une courte période, afin d'enseigner aux compagnons ce dhikr. Et ensuite, il a délaissé cela. Ensuite, il a délaissé cela. Ça, c'est l'explication de l'imam al-Shafi'i, rahimahullah. Lakin, al-Sahih, annahu lam yarid. Lam yarid. في السنة ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة تركوا هذا الفعل. Cependant, il n'y a rien qui montre dans la sunna que le prophète صلى الله عليه وسلم ainsi que les compagnons ont délaissé cela, le fait d'élever la voix après la salat, lorsqu'ils font le adhkar. وحديث ابن عباس Et le hadith d'Ibn Abbas, comme vous pouvez le voir, il montre que c'est un acte qui a été répétitif. Ibn Abbas qu'il disait, on savait que la prière était finie à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On savait que la prière était finie par cela. Et donc, c'est quelque chose qui se répétait. C'est quelque chose qui se répétait. فَنَبْكُوا عَلَى الْأَصْلِ أَلَا وَهُوَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَالصَّحَابَ فَعَلُوا ذَلِكَ. Et donc, on reste sur la base, c'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et les compagnons, ils ont fait cela. Amma hadith Abi Moussa al-Ash'ari, anna al-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, naha al-Sahabata an raf'i s-sawti bil-dhikr, fal-muradu bihi an-nahyu anil-mubalagati fi raf'i s-sawt. Et donc, en ce qui concerne le hadith de Abu Moussa al-Ash'ari, radiallahu anhu, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit aux compagnons d'élever la voix, certes, vous n'invoquez pas un sourd ni un absent. Ce qui est voulu par là, c'est l'interdiction à l'exagération. Pas l'interdiction d'élever la voix pour faire le dhikr, l'interdiction d'exagérer. Kama ja'a fi ba'd ar-riwayat anna ahadahum kana yunadi bi a'la sawtihi Allahu Akbar, la ilaha illallah. Comme cela a été cité dans certaines narrations, que l'un d'entre eux, il faisait le dhikr avec la plus forte voix que possible. Il criait le plus fort que possible, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Et donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit donc l'exagération. Il n'a pas interdit le fait que la personne fasse le dhikr à voix haute. Wa ilaykum haditha ibn Zubayr الذي أخرجه مسلم في صحيحه. Et donc je vais vous citer le hadith d'Ibn Zubayr que l'imam Muslim a cité dans son sahih. أن ابن الزبير كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم. Ibn Zubayr, donc Abdullah ibn Zubayr, qui est le neveu de Aïcha radhiyallahu anha, le fils de Asma bint Abi Bakr. Après chaque salat, il élevait la voix, il faisait donc le dhikr. Il disait après chaque salat, La ilaha illallah, la ilaha illallah wahda, la sharika lah. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. La hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahud din wa law kariha al kafirun. Wa qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. Abdullah ibn Zubayr, donc après avoir cité cette invocation, il nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam yuhallil, ça veut dire élever la voix. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam élevait la voix avec cette invocation à la fin de chaque salat. À la fin de chaque salat. إذن الراجح في هذه المسألة استحباب رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة. Et donc l'avis le plus juste dans ce sujet, c'est le fait qu'il est recommandé d'élever la voix. Donc lorsqu'on fait le dhikr après la salat, wallahu a'lam. Et je voulais juste préciser que lorsqu'on dit que c'est ce qui est recommandé, ça ne veut pas dire exagérer. Ça ne veut pas dire exagérer, tu vas crier en faisant le dhikr. Les savants disent ce qui est voulu par prier à voix haute. Prier à voix haute, c'est le fait que tu te fasses entendre. C'est ça, prier à voix haute. Prier à voix haute pour l'imam, c'est faire en sorte que ceux qui sont derrière lui l'entendent. C'est pas faire en sorte que tout le quartier l'entende. Attention. Et donc, on ne veut pas ici d'exagération. Mais aussi, il y a un autre élément qui est blâmable, c'est le fait que les gens, parfois dans une mosquée, ils font le dhikr tous ensemble. Bisautin wa bisauti rajulin wahid. Donc avec la voix d'un seul homme, tous ensemble, tous en même temps, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Non. Ce qui est voulu par le dhikr, c'est chacun il le fait pour lui-même. Chacun le fait pour lui-même. Et aussi donc, un élément important, c'est que souvent on a des personnes qui nous disent « ça me dérange ». On est déjà venu me dire ici dans cette mosquée, ça me dérange. Est-ce que j'ai vu « yakhilef », etc., etc., ça me dérange. Taïb, « kane hadha al-fi'l la yuz'iju an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wa sahaba ». Cet acte-là, il ne dérangeait pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons. Lorsque tu arrives en retard pour Jumu'a et que tu vas prier pendant que l'imam il fait la khutba, tu vas lui dire « ça me dérange ». Lorsque tu viens à la mosquée, que le mu'adhin se lève pendant que tu pries pour faire, et lui fait l'adhan, tu vas lui dire « attends, je finis ma prière. » Et après, tu fais l'adhan. Lorsque tu vas faire le hajj, et que tu vas commencer « labbayk Allahumma labbayk », tu vas dire « attendez, je fais ma talbiya et ensuite vous faites la vôtre. Il ne faut pas me déranger. » Et donc, il faut faire attention, les frères, à ne pas exagérer et pas chercher des prétextes pour délaisser la sunnah. Il faut faire très attention à ça, pas chercher des prétextes pour délaisser la sunna. Et pour finir, juste vous citer très rapidement un élément, une histoire qui s'est passée ici dans cette mosquée avec Yacine et moi, Yacine qui vient de se lever. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Une fois, Yacine et moi, on était sortis, on avait quelque chose à faire. Et on est revenu, on était en retard. On s'est dit, les frères, obligés, ils ont déjà prié. Obligés. On est rentré dans la mosquée, on a vu les frères qui attendaient. Je me suis dit, ils n'ont pas prié. Pourquoi je me suis dit ils n'ont pas prié? Parce qu'ils étaient dans une hey'a. Ils étaient assis d'une façon qu'ils attendaient la prière. Il n'y a personne qui élevait la voix. J'ai l'habitude à chaque fois quand les gens ils ont fini ici, on entend toujours quelqu'un qui fait le dhikr. Là, il n'y avait personne, ils étaient là en train d'attendre. Je me suis dit dans ma tête, les gens, ils n'ont pas encore prié. J'ai vu Yacine qui se dirigeait vers là-bas pour qu'on aille prier lui et moi, tous les deux. Je me suis dit, Yacine, il connaît mieux les gens ici. C'est bon, ils ont déjà prié, on va prier ensemble. On est allé, on a prié, on a fait l'Isha. Vous nous avez laissé prier. Et lorsqu'on a fini de prier, on nous a dit, mais on vous a attendu, on n'a pas encore prié. Tu te rappelles, hein? Voilà. Regardez la sunna. Et donc, je me suis dit, quand ça s'est passé, je me suis dit, subhanallah, l'Ali al-Adi. Subhanallah. Et donc, c'est important, les frères, quand on applique cette sunna et les sunnans de façon générale. On va arrêter là pour le moment. Il y a Cheikh Arafat qui nous attend. Wafak Allahul Jami'. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.